Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, la semaine prochaine. La légende raconte que la première étude épidémiologique se déroula en 1854 à Londres, conduite par un médecin anglais du nom de John Snow, qui mit un terme à l'épidémie de choléra en remontant à la source de la contamination, à savoir une pompe à eau publique dont il changea la poignée, mettant ainsi un terme aux contaminations. Depuis le milieu du 19e siècle, l'épidémiologie, science à la fois fondamentale et expérimentale, a révolutionné l'approche des maladies en développant une approche basée sur la preuve. Qu'en est-il aujourd'hui sur des cohortes de patients toujours plus grandes et des maladies multifactorielles à l'heure du big data ? Épidémiologie, une histoire de cohorte, c'est le programme peuplé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter l'histoire de cette discipline, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le nouveau titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France. Bonjour Arnaud Fontanet. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de l'unité épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Nous allons donc parler de votre discipline tout au long de 7 heures. Vous pouvez nous suivre évidemment comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en replay, en différé donc sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite et comme toujours en complément sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors on va commencer Arnaud Fontanet par une question toute simple. Qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie ? Alors l'épidémiologie c'est une science qui étudie à la fois la répartition des maladies dans la population, qui est malade, quand et où, et également qui étudie ce qu'on appelle les déterminants, les causes des maladies. Et donc, on a développé toute une série de schémas d'études qui nous permettent aujourd'hui d'explorer si ce sont vos gènes, vos comportements, par exemple, alcool, tabac, alimentation, vos expositions environnementales, pollution atmosphérique, produits phytosanitaires, etc., qui sont à l'origine de vos maladies. Alors l'OMS a une description que je vais vous soumettre et puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est la science qui étudie les variations de fréquence des maladies dans les groupes humains et recherche les déterminants de ces variations, ce que vous venez de nous dire. Elle vise en particulier à la recherche des causes des maladies et de l'amélioration de leur traitement et moyens de prévention. Elle procède par des enquêtes et permet d'estimer le risque de devenir malade sur une période donnée et l'augmentation ou la diminution du risque associé à nos gènes, nos comportements ou notre environnement. Il y a donc une partie prospective aussi dans l'épidémiologie. Alors, ce qui est intéressant dans la définition que vous citez, c'est qu'elle montre aussi que l'épidémiologie est résolument orientée vers l'action. Et on a d'abord des enquêtes qui nous permettent de trouver effectivement les causes des maladies. Ensuite, on va essayer de trouver des moyens de prévenir les maladies. L'épidémiologie, c'est une des disciplines de la santé publique, hein, qui s'intéresse à la santé des populations, donc. On a, comme vous savez, dans la santé publique, l'économie de la santé, gestion de systèmes de santé, politique de santé, il y a des sciences sociales, l'anthropologie, et puis il y a l'épidémiologie, les biostatistiques, etc. Donc c'est tout un ensemble de sciences qui s'intéressent à la santé des populations. L'épidémiologie, elle, c'est plus vers les déterminants de la santé qu'elle va se focaliser. Et dans le cadre d'actions de santé publique, on va effectivement passer ensuite à l'action. Comment est-ce qu'on peut faire pour préserver la santé des populations ? Ça va être beaucoup de la prévention, mais ça peut être aussi des interventions qui, quelquefois, d'évaluation de traitements ou de vaccins pour permettre donc de protéger les populations. On en parlait hier encore dans l'émission consacrée au glyphosate via une étude épidémiologique qui a été importante sur une population de 54 000 agriculteurs américains. Et Robert Baroucki disait à ce micro hier même, la force de la preuve d'une étude épidémiologique est très importante. C'est très compliqué et c'est très long à mettre en place, ce sont des suivis très longs, mais une fois qu'on a atteint ce type de cohorte et ce type justement d'évidence, du coup la force de la preuve de l'épidémiologie est très importante. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait dans notre vie quotidienne, on suit pour beaucoup d'entre nous des recommandations qui sont tirées d'études épidémiologiques. Quand on fait attention à ne pas fumer, à ne pas trop boire, mais ne pas boire du tout, à avoir une alimentation équilibrée, à faire de l'exercice, surveiller son cholestérol, sa tension artérielle, Tout ça, c'est tiré d'études qui ont suivi des centaines de milliers de personnes pendant des dizaines d'années. On pourrait s'imaginer que ces recommandations ont été faites par un groupe d'experts inspirés qui, autour d'une table, se sont dit « Oh ben, ce serait bien de faire ceci, et puis cela, et puis à tel rythme, etc. » Pas du tout. C'est des études qui ont été extrêmement longues, qui ont permis de mettre en évidence ces fameux facteurs de risque de maladie et de dire « Voilà ce qu'on devrait proposer pour prévenir les maladies. » On a le sentiment que quand on regarde, finalement, on va en parler dans quelques instants, c'est une science, je le disais dans l'introduction, relativement jeune, l'épidémiologie. Pourtant, on a l'impression que c'est finalement constitutif de la médecine, qu'on pourrait presque dire que Hippocrate est le premier, le père de l'épidémiologie dès le départ, non ? En suivant les maladies, en suivant l'évolution de groupes de malades. Alors Hippocrate, il a été à l'origine de beaucoup de notre savoir médical, il en est presque agaçant. J'ai envie de dire, par exemple, il a résumé en une phrase ce que 50 ans d'épidémiologie nutritionnelle, ces fameuses cohortes de 240 000 infirmières suivies aux États-Unis nous ont appris, c'est qu'en termes d'alimentation, eh bien, c'est bien de manger un peu de tout et rien en excès. Et finalement, c'est ce qu'il disait. Et c'est du bon sens, mais c'est vrai que quand on regarde les résultats des études, alors si on peut, quand on dit un peu de tout, on sait aujourd'hui que les fruits et légumes c'est quand même vraiment conseillé, qu'il faut éviter les aliments gras, les aliments sucrés, mais si on s'en tenait déjà à cette première suggestion qu'il avait faite, recommandation qu'il avait faite, eh bien on a fait une bonne partie du chemin. Et puis il faut dire aussi, et je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, que l'émergence de l'épidémiologie, on va le voir à la fin du 19e siècle, c'est aussi l'émergence d'une médecine qui est très importante aujourd'hui, qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur la preuve. Voilà. Alors, il y a eu deux temps dans la pratique de l'épidémiologie, finalement, comme vous le disiez. Il y a eu une période qui était complètement dominée par les maladies infectieuses et où ce sont les microbiologistes, d'abord, en découvrant les microbes qui étaient associés à chacune des infections, qui trouvaient quels étaient les déterminants des maladies. Les épidémiologistes, eux, sont intervenus, et on le verra peut-être avec l'exemple de John Snow que vous citiez en introduction, dans une façon de montrer comment on pouvait finalement, sur la base de notre connaissance microbiologique, prévenir les maladies. C'est toute l'amélioration, les progrès d'hygiène qui ont été faits au début du 20e. Et puis, il y a eu une transition. Quand les maladies infectieuses ont commencé à être dominées, finalement, et que les maladies chroniques, type cancer, cardiovasculaire, sont apparues, où là, une nouvelle forme d'enquête épidémiologique est née pour répondre à des maladies qui étaient plurifactorielles. Et c'est ce que j'appellerais l'épidémiologie moderne. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons d'épidémiologie tout au long de cette heure avec le nouveau titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France, Arnaud Fontanet. D'histoire de l'épidémiologie, on peut la faire remonter. Alors, on le disait à l'instant à Hippocrate, mais concrètement, les premières traces de ce qui va devenir l'épidémiologie, la proto-épidémiologie en quelque sorte, ce serait, on la place au XVIIe siècle en Angleterre. Sur les bills of mortality, les statistiques de mortalité hebdomadaire. D'accord. Alors, je vous voyais un peu hésiter. Je me demandais à qui vous faisiez référence. Là, on est effectivement. Hein, vous êtes avec des statisticiens démographes en fait, hein, qui donc sont les précurseurs hein, de l'épidémiologie d'aujourd'hui. Ce qu'ils ont apporté, c'est que c'était les premiers qui ont compté finalement et qui ont jugé important d'avoir des chiffres sur lesquels baser nos connaissances. Alors, il y a eu William Farr notamment, hein, qui a été une de ces personnalités et de cette équipe de statisticiens démographes sont sortis une série de statistiques. C'est là, par exemple, où on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus de naissances masculines que féminines. On sait qu'il y a une mortalité, une surmortalité très légère, heureusement, mais des garçons par rapport aux filles dans les premières semaines de vie qui rééquilibrent le sexe ratio. C'est là où on s'est rendu compte que les personnes mariées vivaient plus longtemps que les personnes célibataires, que quand on était en prison, on avait une espérance de vie qui était plus faible que quand on n'était pas en prison, et que les mineurs aussi avaient une espérance de vie entamée. Donc ce sont des gens qui, comme les démographes, eh bien, ils vont compter les naissances, ils vont regarder les migrations, les mariages et les décès, ils apportent des éléments chiffrés, et puis quelques statistiques après sur des modes de vie. Et c'était la première fois qu'en fait ces éléments chiffrés étaient disponibles et d'une certaine façon les précurseurs de l'épidémiologie. On voit que dès le départ, en fait, ça recouvre différents champs scientifiques, c'est-à-dire évidemment la médecine, mais aussi la statistique, la démographie, très rapidement la mathématique. Alors effectivement, il y a eu ensuite quelques mathématiciens qui ont été les inspirateurs de ce qu'on a aujourd'hui comme outil en appui à ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive, les statistiques de santé, etc., qui est la modélisation mathématique qui nous permet d'aller au-delà de prédire, notamment en cas d'épidémie, quand on est à un moment où on ne sait pas encore ce que va donner l'émergence d'un nouvel agent infectieux et où les modèles mathématiques viennent en appui pour vous dire eh bien voilà différents scénarios possibles et peut-être tel type d'intervention et comment prévenir la survenue de cette épidémie ou la contenir. Et on en reparlera puisque c'est votre spécialité, notamment sur les maladies émergentes et sur la fièvre hémorragique Ebola sur laquelle vous avez travaillé. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour rester un peu dans un fil chronologique, cet apport mathématique, cette apport de modélisation, il vient d'un physicien français, Jacques Bernoulli. Alors, allez-y. Non, Bernoulli a été certainement un de ceux qui ont inspiré l'épidémiologie et les modèles qu'on pouvait utiliser. Moi-même, je le placerais peut-être le premier modélisateur qui a eu une application très concrète, encore utilisée aujourd'hui, chez un entomologiste qu'on appelle Ronald Ross, un Américain. Lui s'intéressait au paludisme et en tant qu'entomologiste, il avait identifié qu'Anopheles était le moustique qui était vecteur du paludisme. Et il n'a pas voulu en rester là. Il s'est dit, j'aimerais comprendre comment circule le parasite entre le vecteur, l'homme et éventuellement l'animal, mais il s'est intéressé surtout à l'homme et au vecteur. Et il a mis en place un modèle qui a été le premier à estimer ce qu'on appelle le nombre de reproductions de base, qui est une notion fondamentale en modélisation mathématique, à savoir le nombre de cas secondaires par personne infectée. Donc son idée, c'était de dire, pour chaque personne qui a le paludisme, combien de descendants cette personne va-t-elle avoir dans du temps de son infection via le vecteur. Et il a mis en place, enfin, il a réussi à construire une formule mathématique assez complexe qui, tenant compte de beaucoup de paramètres sur la survie du parasite chez l'Anopheles, chez l'homme, le nombre de piqûres, le risque d'infection par piqûre, etc., permettait de dire, pour chaque personne ayant le paludisme, combien de personnes seront infectées. C'est le nombre de reproductions de base. Ces travaux ont été repris plus tard par un autre Américain qui s'appelle McDonald. Mais ce nombre de reproductions de base, aujourd'hui, est central pour la prédiction de toutes les épidémies, puisque vous le comprenez, s'il est supérieur à 1, si chaque personne infectée va infecter plus d'une personne, l'épidémie démarre. S'il est inférieur à 1, l'épidémie s'arrête. Et la première chose que font les modélisateurs en début d'épidémie, c'est vraiment d'estimer ce nombre de reproductions de base. Alors Ronald Ross, on est au début du XXe siècle, hein, puisqu'il a eu, je parle sous votre contrôle, qui a eu les mêmes prix Nobel en 1902. Pour revenir à Bernoulli, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on est plutôt dans la compréhension des maladies et des vecteurs. Et notamment, Bernoulli a travaillé sur l'épidémie de variole. Et il propose un modèle statistique sur la sensibilité à la variolisation, puisque quand on variolisait, c'est-à-dire qu'on donnait, on donnait du pus hein, aux enfants pour essayer de les protéger, eh bien parfois les enfants tombaient malades et mouraient. Donc la question, c'était d'un seul coup d'aller un peu à l'encontre de quelque chose d'intuitif en disant « Ah mais si je variolise mon enfant, il risque de mourir. » Oui, mais quel est le risque de mourir par rapport au risque de guérir? Et c'est là qu'il propose un modèle statistique qui est finalement assez moderne et assez avant-gardiste pour son temps. Voilà, donc on avait les travaux de Jenner, qui est un Anglais qui a compris avec l'observation et repris une observation peut-être qui avait déjà été faite que des femmes qui traillaient les vaches et qui étaient au contact du virus de la variole des vaches, eh bien était moins susceptible de tomber malade de la variole. S'en est suivi l'idée de prendre les pustules et le pus des varioleux et de l'inoculer. Mais comme vous le dites, il y avait des risques associés hein, et un débat d'ailleurs qui a suivi sur l'intérêt de la variolisation. C'est amusant parce que quand je travaillais un petit peu sur mes prédécesseurs au Collège de France, il y a l'un d'entre eux, Jean-Noël Allais, qui a été est un médecin au temps de la Révolution française, s'est vraiment battu pour permettre l'introduction de la variole, du vaccin contre la variole en France. Et dans tous ces débats, effectivement, on retrouvait ceux qui étaient en faveur, ceux qui étaient contre, comme vous le disiez. Et c'est vrai que les mathématiques, eux, apportent une un argument beaucoup plus objectif sur la façon de prendre ce type de décision. Une objectivation. Ce qui nous amène au 19e siècle, à cette fameuse médecine fondée sur l'épreuve de Claude Bernard, qui paradoxalement était lui assez réfractaire à une approche statistique de l'étude des maladies. Alors lui, il faisait de la physiologie expérimentale, et c'est vrai que c'est une autre branche et une autre façon de réfléchir. Ce qui pour moi est très important, et on y reviendra peut-être, c'est que à partir du moment où on cherche à établir des liens de causalité, il n'y a pas qu'une seule discipline qui va y parvenir. Les disciplines sont complémentaires. Et les approches prônées par Claude Bernard de physiologie expérimentale, celles que nous apporte la biologie, viennent de concert avec ce que l'épidémiologie, elle, peut apporter sur des enquêtes populationnelles pour à la fin donner le verdict et dire « je peux dire que tel facteur de risque est bien responsable de telle maladie ». Mais c'est pas une approche unique qui va y répondre. Ça a été repris récemment par dans un éditorial de la revue Nature par Marcus Munafo et George Davis Smith. George Davis Smith est un épidémiologiste de Bristol pour vraiment prôner ce que eux appellent la triangulation des preuves, hein, une espèce de croisement de différentes approches scientifiques qui, toutes ensemble, vont finir par décider si oui ou non. Voilà, la causalité, c'est-à-dire passer de la corrélation à la causalité. Voilà. C'est intéressant, c'est au 19e que commence à apparaître ce qui est très intéressant, je trouve, dans ces débuts de l'épidémiologie, ce qu'on appelle l'épidémiologie sociale, avec cette controverse entre les contagionnistes et les anticontagionnistes. Est-ce que, finalement, si on met tout le monde dans le même endroit, c'est ça qui est à l'origine des maladies, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer justement la façon dont une maladie se répand? Alors, je ne suis pas au courant de cette controverse, je ne saurais pas. C'est deux courants médicaux avec Louis-René Villermé, qui est un médecin français, qui, ouais, bien sûr. Qui teste l'hypothèse selon laquelle les inégalités de santé observées dans les 12 arrondissements peuvent être liées à des variables économiques. D'accord. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous dites et qu'on retrouve finalement aujourd'hui, hein, c'est que il y a un regroupement de ce que nous on appellerait comorbidité ou de maladies qui se font sur des personnalités, des groupes sociaux défavorisés. Ça a été repris plus récemment par un anthropologue médical qui s'appelle Meryl Singer, qui a créé un concept qu'il appelle syndemics pour la contraction de synergistic epidemics. Et son idée, finalement, c'est que se retrouvent chez des individus plus vulnérables des comorbidités. Alors, l'exemple plus moderne qu'il donnait était celui de regroupement, par exemple, de diabète, de surpoids et de dépression chez des gens défavorisés, et le tout entretenu par un contexte socio-économique qui était défavorable. Mmh. Mais on voit bien comment on peut transposer cette idée à l'exemple que vous donnez. Où, alors, bien sûr, sur la notion de contagion, vous avez tout de suite un critère important qui est le surpopulation, entassement, voilà. Qui était un critère majeur de transmission des maladies, et que, j'imagine sans peine, on retrouvait chez des personnes défavorisées qui devaient vivre dans des habitats extrêmement contraints. C'est cette controverse que j'évoquais, ou ces courants médicaux, c'était de dire qu'effectivement les variables économiques étaient plus importantes que le seul critère de densité de la population, qui n'était pas le seul à favoriser l'expansion des maladies. Ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est que le début du XXe siècle a connu finalement une avancée spectaculaire sur la maîtrise des maladies infectieuses. Alors si on reprend les statistiques de la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis, au début du XXe siècle, la mortalité était de 800 pour 100 000 personnes par an, la mortalité liée aux maladies infectieuses. Et pour vous dire ce qu'elle est devenue, en 50 ans, elle a été divisée par 16. On est tombé à 50 pour 100 000 par an. Donc divisé par 16, c'est absolument considérable, hein. Et c'est les 50 premières années du XXe siècle, c'est avant tout l'hygiène. Et quand on parle d'hygiène, sachant que les maladies qui étaient responsables de cette mortalité très élevée, c'était avant tout les maladies respiratoires, tuberculose, grippe et pneumonie. Suivaient fièvre typhoïde, suivaient les maladies infantiles, mais c'était vraiment ces maladies respiratoires. Or, les maladies respiratoires, c'était l'entassement. C'était les gens qui vivaient dans des endroits insalubres les uns sur les autres, qui étaient certainement le principal vecteur, puisque c'est transmission par voie aérienne, de ces maladies. À partir du moment où les habitats sont devenus plus salubres, puis après qu'on a rajouté de l'eau propre, on peut se laver les mains, ce qui est important, on peut boire l'égout, l'évacuation des déchets, puis une alimentation meilleure, bien, toutes ces mesures d'hygiène ont permis au XXe siècle de faire chuter la mortalité par maladie infectieuse, ont suivi ayant contribué à la maintenir à un niveau bas, les antibiotiques qui sont arrivés au moment de la Deuxième Guerre mondiale et les vaccins qui sont arrivés à peu près au même moment. Il y a eu la variole avant, hein, qui a certes, le vaccin de la variole qui a certainement joué un rôle, mais la grande diffusion des vaccins, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça a permis donc de garder les maladies infectieuses à un niveau extrêmement bas jusqu'aux années 80 où, avec le sida, il y a eu une très légère remontée, mais je dis très légère, même si le sida était une maladie terrible, comme on le sait tous, par rapport au niveau où on était au début du XXe. Juste pour conclure sur ces maladies infectieuses du XXe siècle, l'espérance de vie aux États-Unis dans les 50 premières années du XXe siècle a été augmentée de 23 ans. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité un tel progrès. Pour redire un mot tout de même, avant de basculer définitivement dans le XXe siècle, de cette légende de Jon Snow, et ce qui n'est pas le personnage de Game of Thrones, mais ce médecin anglais pionnier dans l'anesthésie, l'hygiène justement, qui aurait fait en fait de facto la première étude épidémiologique de l'histoire de la médecine, avec en remontant à la source de cette pompe à eau et de cette poignée de pompe à eau qui l'aurait changé, qui aurait interrompu l'épidémie de choléra à Londres. C'est une légende. Alors, Jon Snow, il y a un petit côté légende, je vais revenir là-dessus. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est que lui-même, rien ne le prédestinait à faire l'épidémiologie. Il est médecin anesthésiste. Il a beaucoup œuvré à introduire l'éther et le chloroforme en Grande-Bretagne. Il en a donné la reine Victoria pour la naissance de Léopold, donc pour vous dire qu'il était aussi bien placé. Mais à ses heures perdues, il s'intéressait au choléra. Et dès 1849, il avait eu l'idée que le choléra pouvait être dû à ce qu'il appelait des poisons animaux qui circulaient dans l'eau, à une période où on pensait que c'était des miasmes dans l'air, etc. Et il a pu tester sa théorie lors de l'épidémie qui a eu lieu à Londres en 1854. Et ce qu'il a fait lors de cette épidémie, c'est vraiment du porte-à-porte. Il est rentré dans les maisons, il a compté les malades, les personnes qui n'avaient pas été infectées. Il en a déduit ce qu'on appelle les taux d'attaque, les proportions de personnes qui avaient été touchées dans chacune des maisons et les quartiers. Et en reprenant la distribution d'eau selon les différentes compagnies qui alimentaient Londres, il a identifié une compagnie qui puisait ses eaux dans la Tamise près des égouts et qui était vraisemblablement responsable de cette épidémie, vu que les quartiers qu'elle desservait étaient les quartiers touchés par l'épidémie. Donc là, il a eu l'idée d'aller retirer le bras de cette pompe qui était responsable de la diffusion. Ce qui était d'abord un acte de bon sens. Hein. Alors nous, épidémiologistes, on a tendance à replacer ça dans un contexte de causalité en disant c'est l'expérience contrefactuelle qui montre ce qui se passe en absence d'exposition, etc. Mais je pense qu'il a fait ce que toute personne censée aurait fait quand on sait que cette pompe va diffuser. Alors, quand on regarde les chiffres de plus près, l'épidémie avait déjà commencé à décroître. C'est un phénomène naturel des épidémies. Quand vous faute de combattants, quand tout le monde a été infecté ou exposé, ben, l'épidémie s'arrête d'elle-même. Mais voilà, on va pas retirer à Jon Snow le fait d'avoir... cumuler quand même ce qui nous paraît important, c'est d'avoir eu une hypothèse, de l'avoir testée sur le terrain, en faisant vraiment un recueil de données extrêmement méticuleux, puis après d'être intervenu. C'est cette trilogie qui fait. Mais Jon Snow, il n'a pas été connu de son vivant. Ce qui, il a été, entre guillemets, ressuscité par un professeur de santé publique, le premier professeur de santé publique à Johns Hopkins, une faculté américaine. Célèbre. Je ne saurais plus vous dire la date exacte où ça s'est fait, mais je mettrai ça dans les années 1930-1940, il faudrait vérifier. Et si Wade a voulu ressusciter Jon Snow, c'est parce que, à cette époque, finalement, ceux qui tenaient le haut du pavé sur la lutte contre les maladies infectieuses, c'était les microbiologistes. C'est eux qui découvraient les microbes. Et Wade a voulu dire, attendez, c'est bien de découvrir les microbes, mais après, il faut comprendre comment ils circulent, et il faut agir sur les modes de transmission. Et donc, il a finalement... exploiter l'histoire de Jon Snow, on a fait une vraie figure et c'est de là, de cette période-là, que Jon Snow est devenu connu et enseigné dans toutes les écoles de santé publique du monde. Pour arriver au XXe siècle et puis pour poser les bases finalement de ce que sera l'épidémiologie moderne, vraiment les outils d'analyse statistique sont formalisés par les travaux de Ronald Fisher. Alors, il y a eu Ronald Fisher, c'est un des plus grands biostatisticiens du XXe siècle. Lui, il a eu un rôle essentiel sur l'analyse de ce qu'on appelle les fluctuations d'échantillonnage. C'est-à-dire ? Quand on fait une étude épidémiologique, on va faire une enquête sur un échantillon. Mais selon l'échantillon que vous prenez, vous pourriez avoir des résultats différents. Donc nous... en général, on va regarder une association entre ce qu'on appelle une exposition, par exemple le tabac, et une maladie, cancer du poumon. Si je prends un échantillon, je vais voir peut-être une augmentation de risque qui va être à 8. Hein. Les fumeurs sont 8 fois plus à risque de cancer du poumon que les non-fumeurs. J'aurais pris l'échantillon d'à côté, j'aurais pu obtenir 6, et puis une autre fois 12. Donc vous avez des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. La question qui se pose, c'est que quand on trouve une association, est-ce que cette association, elle pourrait être due à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage? Pour répondre à cette question, on va calculer ce qu'on appelle la valeur P. Alors la valeur P, c'est une probabilité. Là, on se place sous l'hypothèse nulle. Il n'y a pas d'association entre tabac et cancer du poumon. Et on se demande, quelle est la probabilité d'observer une association au moins aussi forte que celle que j'ai observée, par exemple 8 dans mon échantillon, simplement du fait de fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Si cette probabilité est très faible, je peux rejeter l'hypothèse nulle et dire que la différence que j'ai observée, elle est statistiquement significative, elle n'est très vraisemblablement pas due à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Mais alors comment est-ce que vous faites pour... quel est le seuil qui vous permet de dire cette probabilité est très faible, je vais rejeter l'hypothèse nulle? Eh bien, c'est un seuil qui a été choisi à 5%, bien involontairement, par Ronald Fisher. Donc on part sur cette calcul de probabilité, la valeur P que je vous ai dite, on regarde à quel niveau elle est. Si elle est inférieure à 5%, ça veut dire très vraisemblablement... je ne peux pas retenir l'hypothèse nulle, il y a vraiment une association entre exposition et maladie, et donc mon résultat est statistiquement significatif. Mais Ronald Fisher lui disait, cette valeur P que je calcule, c'est un élément de jugement, c'est pas un critère on-off. Simplement, dans un des premiers livres qu'il a écrit, où il montrait comment on pouvait calculer la valeur P dans différents jeux de données de nature assez variée, il a dit, si je devais choisir dans toutes les valeurs P possibles, est celle qui... commencerait à laisser penser que effectivement, là, il y a une association, qui n'est pas due à des fluctuations d'échantillonnage, hein, qui n'est pas des variations d'échantillonnage. Il a lâché le 5%. Ce 5% a été repris par l'ensemble de la recherche biomédicale jusqu'à très récemment. Et pour nous chercheurs, quand on fait nos calculs, on se demande à la fin est-ce qu'il y a une variation des échantillonnages. Et là, si on est en dessous de 5%, on est significatif, on envoie un journal médical. Le journal médical va se dire c'est pas une fluctuation d'échantillonnage, on publie et la presse va reprendre. Mais c'est sur un cut-off très arbitraire. Et finalement, les dommages qu'ont créé cette décision très arbitraire ont été beaucoup plus importants qu'on l'imagine. And a grumbling all of the time. I'm just a full of trouble, but I never speak about mine. I've been told by heaps of fortune tellers that a rich man I would be. But I'm afraid that loyalty I'll never see. All I want, my health and friends, and money never worry me. It seems somehow, in all my troubles, it has shunned my society. It's a long lane that never has a turning, for that bend in the road, my heart is ever yearning. All I want, my health and strength, and money never worry me. Some people, they have so much money that they don't know what they worth. They've always lived in the luxuries since they came on this earth. What's the use of worrying about money? You can't take it with you when you die. As long as I can get my folks up, I don't ask for nothing more. All I want, my health and strength. All I want is my health and strength. Tout ce que je veux, c'est ma santé et ma force. De Pete Hampton, c'est tout ce que nous voulons tous et c'est grâce à l'épidémiologie que nous le pouvons en grande partie, puisque c'est ce dont il est question tout au long de cette heure de l'histoire de cette discipline, l'épidémiologie, avec le nouveau titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France, Arnaud Fontanet, qui est également professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et directeur de l'unité épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Alors on l'a dit, le grand succès, l'âge d'or de l'épidémiologie, c'est au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Et ce que vous expliquez tout à l'heure, Arnaud Fontanet, c'est-à-dire vraiment l'efficacité extrême du modèle épidémiologique pour identifier et lutter contre les causes des maladies infectieuses. Alors, il y a eu, dans la première moitié du XXe siècle, la lutte contre les maladies infectieuses, mais une fois qu'effectivement, elles avaient été en grande partie maîtrisées, ce sont des maladies qui se développent plus tard dans la vie, qui sont devenues les principales causes de mortalité, avant tout maladies cardiovasculaires et cancers, et ces maladies, elles sont plurifactorielles. Donc le modèle « à chaque infection son microbe » qui avait prévalu jusque-là ne fonctionnait plus. Il fallait trouver de nouvelles méthodes d'enquête pour mettre en évidence les causes des maladies. Et c'est comme ça qu'est née l'épidémiologie moderne. Et alors justement, comment est-ce qu'on travaille à partir du moment où il n'y a plus ce rapport de causalité simple qui permet de déterminer une cause, un effet, et que d'un seul coup, on est face à des pathologies qui sont beaucoup plus complexes et, comme vous venez de le dire, multifactorielles. Quelles sont les méthodes qu'il faut appliquer? Alors, idéalement, ce qu'on aurait aimé pouvoir faire, c'est pour tester chacun des facteurs de risque potentiels, c'est un essai randomisé. Je vais vous donner un exemple. Si vous posez la question de savoir si le tabac cause le cancer du poumon, vous prendriez un groupe de personnes, vous tirez au sort, vous faites un groupe à qui vous dites « fumez un paquet par jour pendant 20 ans », l'autre groupe « vous fumez mais des cigarettes sans tabac pendant 20 ans » et puis on regarde à la fin quelle est la proportion de cancer dans chaque groupe. Ça, ce serait en termes de causalité la meilleure expérimentation, mais vous comprenez comme moi qu'elle n'est pas possible et des points de vue pratiques et d'un point de vue éthique. Et dès lors, il a fallu se tourner vers des enquêtes observationnelles. Donc là, c'est là qu'interviennent les deux grands schémas d'études en épidémiologie, les études cas témoins et les études de cohorte. C'est-à-dire, alors expliquez-nous l'un et l'autre. Alors, pour l'étude cas témoin, je vais prendre le premier exemple, la première étude cas témoin qui a été faite, on la doit à des Britanniques, c'est Richard Doll et Austin Bradford Hill, qui s'intéressaient à la relation entre tabac et cancer du poumon. Pour ce faire, on est en 1948, ils ont recruté dans 20 hôpitaux à Londres 709 patients qui avaient des cancers du poumon, ça c'est leur cas, et ils se sont dit, on va prendre des témoins pour comparer l'exposition au tabac entre nos patients avec cancer du poumon et ses témoins. Les témoins, ils les ont pris avec 709 patients hospitalisés au même endroit, sans cancer, du même âge et du même sexe. Et ils ont comparé la consommation tabagique entre les deux groupes et ils ont trouvé, bien sûr, qu'il y avait une consommation tabagique plus importante chez ceux qui avaient un cancer du poumon. Donc ça, c'est la première étude cas témoin qui est le modèle qui s'est affiné depuis, mais qui vraiment a été utilisé pour beaucoup d'autres découvertes en épidémiologie. Qu'on pourrait dire top-down, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont déjà une pathologie et on essaye, en comparant, de trouver quels peuvent être les signes qui amènent jusqu'à cette pathologie. Voilà. Et c'est un modèle qui va vite, finalement, parce que si vous avez un réseau d'hôpitaux, vous recrutez un nombre de cas importants rapidement, et vous avez votre groupe de comparaison. La difficulté, finalement, et à l'usage, on se rend compte que ces études cas témoins peuvent être prises en défaut, elle est d'abord dans le choix des témoins. Ils doivent être représentatifs de la population source de vos cas. Et ça, c'est finalement beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, même quand vous allez dans le même hôpital, parce que, par exemple, vos cas peuvent être d'un service très spécialisé qui va drainer une population qui viendrait peut-être de toute l'Europe, alors que les témoins, si vous les prenez dans un service qui recrute du tout venant, ce seront les gens qui habitent autour de votre hôpital, et vous y voyez tout de suite que vos témoins et vos cas ne sont pas comparables sur beaucoup d'aspects. Et puis l'autre, c'est que quand vous allez interroger des gens sur leurs expositions il y a 10 ans, 20 ans, parce que quand on parle de cancer, les temps d'incubation ou de latence sont longs, vous vous rendez compte que la qualité d'information que vous obtiendrez quand vous allez chercher 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, ne va pas être très bonne. Alors l'autre modèle de recherche qu'on appelle les cohortes, lui, permet de bien répondre à ces deux limites des études cas témoins. Mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt bottom-up. C'est-à-dire que là, on va prendre une population donnée et on va l'observer pendant X années. Voilà, et c'est ce qui a été fait aux États-Unis sur les maladies cardiovasculaires. Alors le détonateur, ça a été la mort de Franklin Roosevelt. En 1945, Franklin Roosevelt meurt d'accident vasculaire cérébral. Et quand même, c'était le président des États-Unis. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On se rend compte qu'il avait eu une hypertension artérielle non traitée pendant 11 ans. Alors, il n'existait pas à l'époque de traitement réellement efficace de l'hypertension artérielle, mais on l'a vu finalement s'aggraver, insuffisance cardiaque en 44, AVC en 45. Et là, Harry Truman se dit, il faut qu'on comprenne mieux quels sont les déterminants de ces maladies cardiovasculaires. Donc, il donne 500 000 $ pour lancer une cohorte qui va être basée à Framingham, une ville du Massachusetts. Et là, il recrute 5000 personnes qui vivaient dans cette localité. Et ce sont des gens qui sont indemnes de maladies cardiovasculaires. Quand vous démarrez une cohorte, vous prenez des gens qui n'ont pas la maladie que vous allez étudier. Vous soupçonnez un certain nombre de facteurs potentiellement associés avec ces maladies cardiovasculaires. On savait bien que l'hypertension artérielle y était liée. D'ailleurs, c'est les assureurs qui, au début du XXe siècle, avaient déjà fait cette constatation. Mais ils se sont intéressés aussi à d'autres facteurs de risque potentiels, comme bien sûr les lipides, le diabète, le surpoids, etc. Et dans cette population, vous les suivez, vous leur faites des questionnaires très réguliers, des examens médicaux, vous pouvez prendre des prélèvements sanguins, tester par exemple le cholestérol. Et vous regardez, au cours du temps, qui va développer les maladies qui vous intéressent. Et vous pouvez après faire des modèles statistiques qui vous permettent de relier ces expositions, ces facteurs de risque que vous avez mesurés avec les maladies. Framingham, c'est ce qui nous a appris aujourd'hui les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la sédentarité, l'hypercholestérolémie, les antécédents familiaux, etc. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vraiment Framingham qui nous l'a appris, ça a été bien sûr affiné depuis, mais c'était la première grande étude de cohorte. Ces deux modèles d'études épidémiologiques, ils ont effectivement fait leurs preuves, ils ont fleuri énormément hein, dans cette deuxième partie du XXe siècle. Quel autre type d'exemple justement de pathologies ont permis d'être mieux identifiés, connus via l'un ou l'autre de ces deux cas? Alors une des autres grandes cohortes américaines, hein, c'est la cohorte des infirmières américaines. Elle a démarré en 1960. Ils ont recruté à l'époque à peu près 100 000 infirmières. Ils ont par la suite recruté à nouveau 100 000 infirmières, puis 40, donc 240 000 femmes qui ont été suivies pendant plus de 40 ans aujourd'hui. C'est intéressant de faire cette cohorte avec les infirmières parce que, étant du domaine médical, elles étaient capables elles-mêmes de renseigner beaucoup mieux les événements de santé qui leur arrivaient. Hein. Donc elles étaient capables de dire avec grande fiabilité « je viens de développer telle maladie ». Tous les deux ans, elles remplissaient des questionnaires sur leur alimentation. Et l'autre question qui avait été posée au début, c'était la contraception orale. Quels sont les risques associés à une contraception orale par rapport à des différents types de cancers? Cette cohorte d'infirmières, elle a apporté énormément d'informations sur les liens entre le mode de vie et les cancers ou maladies cardiovasculaires. Ce sont toutes les recommandations qu'on connaît tous aujourd'hui et que j'ai pas besoin de répéter, mais sachez simplement que ça vient vraiment de ce type d'études. Et puis aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces infirmières, maintenant elles ont 70-80 ans, elles développent les maladies neurodégénératives. On a quand même 40 ans de suivi très détaillé de ces infirmières et qu'on peut aujourd'hui mettre en relation avec le déclenchement de maladies de Parkinson, de maladies d'Alzheimer, sur la sclérose en plaques par exemple aussi. Hein, c'est une des cohortes qui a apporté le plus d'informations. On sait peu de choses sur les maladies neurologiques et c'est un des domaines, on se rend compte, plus difficile hein, que ne l'a été le cardiovasculaire ou certains cancers, parce qu'on sait des choses sur les cancers mais pas tout. Mais voilà, c'est des cohortes incroyablement riches d'enseignements qui sont à disposition. Alors il y a eu des grandes cohortes partout ailleurs dans le monde. En France, malheureusement, faute de moyens, on n'a jamais réussi à se placer à ce niveau de dizaines, centaines de milliers d'individus. Il y a eu une cohorte historique hein, qui s'appelle la cohorte Gazelle, des employés de DFGDF, 20 000 personnes, qui a plus travaillé sur les déterminants sociaux de la santé. Mais bon, voilà, on n'a pas le même niveau et ampleur que ce qui a été vu ailleurs dans le monde anglo-saxon. Pourquoi est-ce que l'épidémiologie marque le pas dans les années 90? Parce qu'on est arrivé au bout de ces modèles de maladies plurifactorielles? Je dirais d'abord qu'on avait fait le tour des facteurs de risque faciles à documenter. On s'est très vite rendu compte, voilà, tout ce cardiovasculaire, on avait fait un peu le tour. Sur les cancers, alors le tabac, je le cite une nouvelle fois, et peut-être on sature tous, mais il faut savoir qu'il est responsable de 16 cancers différents, le tabac. Et ça, c'était une cohorte qui a été lancée toujours par Doll et Hill, les fameux de l'étude cas témoins, chez des médecins anglais, qui a vraiment, je crois, 50 000 médecins anglais, et qui a montré. Mais bref, on avait finalement... ce que les Anglais appellent « low hanging fruits ». On avait cueilli des fruits faciles à atteindre. Et ça y est, on avait nos recommandations. Et on commençait à buter. On butait sur d'autres questions de société qui étaient importantes, qui pouvaient être par exemple les expositions environnementales, beaucoup plus difficiles à capturer. Et puis aussi, on s'est rendu compte que ces études, ces méga cohortes, produisaient des résultats contradictoires parce que les investigateurs commençaient à s'amuser à croiser toutes les données qu'ils avaient et finalement ressortaient des résultats qui étaient ces fameuses fluctuations aléatoires d'échantillonnage qu'on discutait tout à l'heure sur la valeur P, alors que quand vous faites des centaines ou des milliers de tests, eh bien vous avez de plus en plus de découvertes fortuites. Et d'une publication à l'autre, les résultats se contredisent, il n'y a aucun fondement biologique derrière. Et je reviens encore sur cette notion très importante de croisement des approches. L'épidémiologie, c'est une approche, mais il faut qu'il y ait un fondement biologique derrière si vous voulez arriver à la causalité. Et donc, toutes ces contradictions, ces résultats fantaisistes, etc., et puis le fait qu'il n'y avait plus de grands facteurs de risque à découvrir, font que l'épidémiologie a commencé un peu à pédaler sur place. Pourtant, il y a l'épidémie du VIH, à partir du début des années 80, où l'épidémiologie a tout de même joué un rôle important. Alors, dans les maladies infectieuses émergentes, tout est à découvrir. Donc là, oui, on arrive à nouveau, à chaque fois, à ressortir toute la batterie d'outils dont on dispose pour, d'une part, comprendre les facteurs de transmission. Et ça a été le cas pour le VIH, où très tôt, la transmission sexuelle a été mise en évidence, et puis par le sang aussi. Mais il faut se rappeler qu'il y a eu aussi quelques petits ratés. Il y a eu la fameuse, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première étude qui avait été publiée, qui disait que les poppers, qui étaient des stimulants qui étaient utilisés pour favoriser les actes sexuels, était associé évidemment avec le risque d'être infecté, et certaines personnes voyaient plus le côté chimique qui pouvait intervenir dans comme cause du VIH que le fait qu'il s'était simplement un corrélat d'une hyperactivité sexuelle. Mais donc ça s'est corrigé quand même assez vite, on arrive à s'y retrouver. Mais pour chaque nouvelle maladie émergente, là il faut tout refaire, et les études d'épidémiologie sont pertinentes. Et justement, on en arrive aux années 90, et avec cette épidémie qui ressurgit 20 ans après son apparition au milieu des années 90 en Afrique de l'Ouest. Écoutez cet archive d'Intersoir, nous sommes le 12 mai 1995. Au Zaïre, la ville de Kirvit, placée en quarantaine après le décès d'une trentaine de personnes atteintes par le virus d'Ebola, également appelé diarrhée rouge. C'est la première fois que cette maladie refait parler d'elle depuis plus de 15 ans. Maladie extrêmement contagieuse et foudroyante, puisque 80% des personnes contaminées y succombent. Médecins sans frontières, qui a envoyé une équipe sur le terrain, pense que l'épidémie peut être enrayée. À l'inverse, l'Organisation mondiale de la santé admet qu'il y a un risque que le virus se propage jusqu'à la capitale du Zaïre, Kinshasa, à 400 km de Kimvit. Elisabeth Birs nous appelle de Genève, où se trouve le siège de l'OMS. L'OMS est formelle. Il y a toujours un risque que le virus Ebola se répande à Kinshasa. Mais pour le moment, selon le porte-parole de cette organisation à Genève, il n'y a aucun cas confirmé dans la capitale zaïroise. L'épidémie est cependant toujours en phase ascendante. Elle s'est déclarée à Kikwit, à 500 km de Kinshasa, avant de toucher Masengo, à une centaine de kilomètres de là, et Yassabonga. La ville de Kikwit a été mise en quarantaine par le gouvernement. 150 unités de gendarmerie sont là pour faire respecter cette mesure. Mais l'OMS ne croit pas à l'efficacité d'un cordon sanitaire. La maladie évoluant de façon fulgurante, 2 à 6 jours, il est quasi impossible que les malades aient la force de voyager. Aussi, l'organisation ne recommande aucune mesure particulière pour les voyageurs en provenance du Zaïre. Le virus se transmet par le contact, ce qui expose le personnel soignant, et par les seringues qui servent plusieurs fois. En 1976, 312 cas avaient été répertoriés dans une province zaïroise où coule la rivière Ebola, qui a donné son nom au virus. Arnaud Fontanet, voilà cet archive d'Intersoir en 95 autour de la deuxième grande vague d'épidémie d'Ebola. Quel est le rôle dans cette épidémie des études épidémiologiques? Alors, Ebola, déjà, c'est intéressant dans le contexte même de ce qu'on appelle les maladies émergentes, parce que, comme on l'avait dit en début de cette émission, les maladies infectieuses à la fin du XXe siècle étaient vraiment en décroissance, et on ne parlait plus que de maladies chroniques type cancer et cardiovasculaire. Puis on a vu arriver en 76, et vous l'avez cité dans ce reportage, l'épidémie à l'hôpital de Yambuku, près de la rivière Ebola, d'où la maladie tire son nom, qui a été très impressionnante par la gravité et le côté explosif de la maladie. C'est des fièvres hémorragiques, donc déjà des tableaux cliniques spectaculaires. Et puis 80% des patients décèdent, 80% des personnels soignants qui s'occupent des patients décèdent aussi. Donc vraiment quelque chose d'effrayant qui réveille un petit peu tout le monde sur la dangerosité potentielle des maladies infectieuses. Le sida intervient 5 ans plus tard, en 81, la première description des cas de sida à Los Angeles. Et c'est finalement le retour des maladies infectieuses sur un mode quelquefois explosif comme Ebola, beaucoup plus insidieux comme le sida, puisque c'est une maladie à incubation longue. Et quand on a découvert ces premiers cas en 81, ça faisait déjà 10 ans que le virus circulait en Afrique centrale de façon assez conséquente. Et que donc la communauté scientifique réalise que les maladies infectieuses sont de retour. Donc c'est un élément très marquant. Et là, effectivement, il avait fallu, alors en 76 à Yamboukou, il y a une équipe, c'était les Belges de l'Institut d'Anvers. Il y a eu les Américains du CDC d'Atlanta et des Pasteuriens qui se sont rendus sur place et qui ont fait les premières enquêtes, qui ont assez rapidement montré que les injections étaient source de contamination. Et c'était d'ailleurs comme ça que le personnel médical s'était infecté, parce qu'il se faisait des injections d'immunoglobuline pour se protéger, ce qui se faisait pour les maladies virales à l'époque, mais malheureusement avec des seringues qui avaient été contaminées. Et puis, ensuite, on a compris que le contact avec les patients, les fluides corporels des patients en phase terminale, étaient source de contagion. Donc voilà, maintenant, bon, des leçons de ces différentes épidémies. Ce qui est intéressant dans le reportage que vous avez cité aussi, c'était cette notion que les malades meurent tellement vite, sont dans des zones tellement reculées qu'Ebola ne sortira pas d'Afrique centrale. Et cette notion, elle a prévalu jusqu'en 2013, où l'épidémie s'est déplacée vers l'Afrique de l'Ouest. On ne sait toujours pas exactement d'où elle est venue en Afrique de l'Ouest. On suspecte que des chauves-souris aient pu être incriminées dans le démarrage de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est vrai qu'on sortait du tableau habituel d'une épidémie dans une zone très reculée d'Afrique centrale qui va se terminer d'elle-même finalement par faute de combattants, hein, vu la mortalité, à une épidémie qui là se retrouve, démarre en plus dans une zone de marché frontalier entre Guinée, Sierra Leone et Liberia en fin 2013, début 2014, et qui va gagner les capitales, ce qui n'était pas arrivé. Il y a eu des cas à Kinshasa, en fait, hein, deux cas en 76, mais heureusement qu'ils n'ont jamais été donnés de cas secondaires. Mais enfin bref, ça restait très très anecdotique. Et l'épidémie de 2013-2014, on est sur un nouveau modèle, avec finalement des routes qui sont beaucoup plus utilisées maintenant en Afrique qu'elles n'ont pu l'être il y a 30 ou 50 ans, des densités de population plus importantes et des épidémies d'Ebola qui arrivent dans les capitales et qui menacent de se de répandre beaucoup plus loin. Aujourd'hui, à Kivu, hein, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, il y a une épidémie qu'on n'arrive pas à contenir, en grande partie parce que c'est une zone de conflit armé qui est très difficile pour les équipes d'intervenir, mais qui se rapproche du Sud-Soudan, qui se rapproche du Rwanda, qui se rapproche de l'Ouganda. Et là, il y a une vraie question sur est-ce que cette épidémie ne va pas déborder au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Et justement, qu'apporte à la connaissance de ces maladies, de ces nouvelles maladies infectieuses, les travaux épidémiologiques sur ce type de cas, par exemple, Ebola? Alors sur Ebola, on a compris sur les... que des éléments qui pouvaient être très importants dans la dissémination de l'épidémie, notamment dans l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, ce qui est ressorti très vite, ce sont les rites funéraires auprès des personnes qui étaient décédées d'Ebola, où la famille doit laver le corps et toute une série de rites qui participent donc à l'enterrement et où une grande partie des proches s'infectaient. Donc les épidémiologistes ont pu mettre cela en évidence très bien. Après, la difficulté, c'était comment est-ce qu'on communique avec les populations pour limiter l'impact de ces rites funéraires. Et c'est là où l'anthropologie médicale est venue en soutien. Parce qu'une interdiction stricte ne servait à rien. Les gens l'auraient fait en cachette et l'épidémie aurait continué à se propager. En revanche, adapter les rites funéraires de façon à ce qu'ils soient encore pratiqués, mais sans risque de contamination pour les familles, a été un apport de l'épidémiologie et de l'anthropologie médicale. Pour conclure, puisque nous arrivons dans les dernières minutes de cette émission, on va arriver au présent. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution pour l'épidémiologie qui manie, on l'a entendu, des grands chiffres, des grandes cohortes. C'est la révolution des mégadonnées, du big data. Compte tenu de l'aspect aujourd'hui, par ailleurs, multifactoriel des maladies chroniques, eh bien, le nombre de patients en cohorte et le nombre de critères à examiner a été démultiplié. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour Arnaud Fontanet, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé voir comment l'épidémiologie s'est adaptée justement à l'ère des big data. Oui, je me suis penché sur une grande étude, c'est l'étude E4N qui fait suite à l'étude E3N, une étude épidémiologique portant à l'origine sur 100 000 femmes en France et qui, on va l'entendre, s'étend aujourd'hui à l'entourage familial de ces femmes. Guy Fagherazzi est chercheur en épidémiologie au sein du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM à l'Institut Gustave Roussy. Il travaille justement pour ces études E3N et E4N. Il nous explique comment la combinaison de la masse de données recueillie par des objets connectés, entre autres, est traitée entre autres, à nouveau grâce à l'intelligence artificielle, pourrait contribuer à de meilleures prédictions en matière d'épidémiologie et de santé publique. « L'étude E3N, en fait, c'est une étude qui a été initiée par Françoise Clavel-Chaplon en 1990, qui est une grande étude de cohorte de 100 000 femmes pour étudier les facteurs de risque initialement de cancer du sein. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que des femmes dans cette étude. Et puis au fil du temps, c'est une cohorte qui existe toujours aujourd'hui, donc il y a quasiment 28 années de suivi. Et sur ces 100 000 femmes, on s'intéresse à leur état de santé et aux facteurs de risque de développer des maladies chroniques comme le cancer, différents types de cancer, le diabète de type 2 et encore d'autres maladies chroniques. Alors l'étude E4N qui est en cours en ce moment, en quoi elle consiste ? L'étude E4N s'appuie sur la cohorte E3N existante et va recruter en fait trois générations de la famille des femmes E3N. Donc en fait, il y a une première génération qui a déjà été recrutée avec les enfants des femmes E3N, donc c'est la génération 2, et puis l'an prochain, on va collecter des informations sur la troisième génération. On parle d'une cohorte très importante, j'aimerais savoir un petit peu les types de données qui sont relevées auprès de ces patientes, personnes, en tout cas, qui font partie de ces cohortes. Effectivement, déjà la première chose, c'est une cohorte en population générale. Donc il y a des personnes qui ont des maladies chroniques, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas de maladies chroniques. L'idée est de les suivre dans le temps pour voir quels sont les facteurs qui influent sur l'arrivée d'une maladie. Donc en termes de données collectées, c'est très vaste. Il y a des informations qui sont recueillies par questionnaire sur le mode de vie, sur l'état de santé, sur les maladies que les personnes peuvent avoir, sur l'historique de ces personnes, leur trajectoire de vie, des facteurs aussi un peu plus psychologiques, les traitements évidemment qu'elles peuvent utiliser, et puis avec tout ça, on essaye d'identifier des facteurs de risque de maladie. Alors, entre le début de l'étude de 3N et aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal d'évolutions d'un point de vue technologique. Grâce à quels outils aujourd'hui vous recueillez ces données, et pourquoi ces outils ont une certaine forme d'importance ? Alors historiquement, les femmes de l'étude de 3N étaient interrogées par questionnaire papier. Donc quand on envoyait 100 000 questionnaires papier de plusieurs pages, vous imaginez la taille que ça représente à saisir, à numériser, donc c'était un gros travail. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on a d'autres moyens de collecter de l'information, et donc on a mis en place une plateforme en ligne de suivi des participants de l'étude de 4N qui permet notamment d'utiliser des objets connectés par exemple pour suivre le mode de vie des participants. Alors aujourd'hui c'est un vrai challenge de gérer et ensuite d'exploiter au maximum la masse de données et d'informations qu'on est capable de collecter avec les différents outils numériques. Les objets connectés, on a des informations en quasi continu. Donc ensuite, il faut appliquer des nouvelles méthodes qui sont issues, par exemple, des méthodes issues de l'intelligence artificielle pour identifier des profils, pour faire des méthodes de prédiction d'événements de santé. Et donc, on est de plus en plus amené à travailler en collaboration avec des data scientists, avec des personnes expertes en informatique médicale pour combiner des expertises à la fois d'épidémiologie et de ces domaines. Si on prend une personne X, voilà, une personne donnée, si on prend voilà, son parcours un peu type, à quoi il peut ressembler et comment finalement cette personne, les données qu'elle génère, l'intelligence artificielle, tout ça se rencontre pour établir un profil aussi précis que possible et aussi utile que possible. Si on prend un exemple voilà, un petit peu lambda. Alors, moi je travaille spécifiquement par exemple sur les maladies diabète de type 2 et diabète de type 1. Si on prend une personne qui développe un diabète de type 2, elle va générer, de par son suivi de la maladie, une quantité incroyable de données. Parce qu'elle va suivre sa glycémie au quotidien et il y a des outils aujourd'hui de suivi de la glycémie qui sont connectés et qui permettent d'avoir l'historique et l'évolution de la glycémie en continu. Donc ça ensuite, c'est très important de pouvoir corréler ce type d'information avec son mode de vie, avec ses facteurs psychologiques, avec ses autres événements de santé. Et toutes ces informations combinées entre elles vont nous permettre d'identifier, si on somme des informations sur 100 000 ou 200 000 participants, des profils qu'on va pouvoir ensuite intégrer, par exemple, dans des modèles qui vont définir des modèles de risque de développer des complications liées au diabète. Et donc, ça va permettre ensuite de déboucher sur un suivi personnalisé de la maladie. Au quotidien, avec quel type de spécialiste vous travaillez justement de la donnée ? Vous parliez des data scientists, est-ce que c'est les seuls ? Comment ça se passe ? Historiquement, les épidémiologistes travaillaient beaucoup avec des biostatisticiens, historiquement, pour mettre en place des modèles statistiques qu'on va qualifier de traditionnels. Et de plus en plus, effectivement, avec l'avènement du numérique, on est amené à travailler avec d'autres expertises, comme ceux que possèdent les data scientists. Donc c'est vraiment eux qui sont notre ressource première aujourd'hui pour développer des approches innovantes en épidémiologie, en e-épidémiologie. On peut également citer des personnes qui travaillent en informatique médicale, donc qui ont une grande compétence sur le traitement et l'interopérabilité entre les différentes sources de données. Voilà, ça c'est les grandes nouveautés dans ce domaine. Vous venez d'évoquer un concept un peu clé, c'est l'e-épidémiologie. Est-ce que l'e-épidémiologie c'est l'avenir pour tout type d'études sur des grandes cohortes ou est-ce qu'il y a encore quelques limites techniques, statistiques, numériques ? La e-épidémiologie est effectivement une sous-discipline de l'épidémiologie au sens large qui est très en vogue aujourd'hui et qui est amenée à se développer. Ça ne sera pas la seule source d'approche qu'on va utiliser en épidémiologie. Ça sera une qui va être de plus en plus importante. Et ce que moi j'anticipe, c'est que ça va souvent être utilisé en complément de d'autres approches. On aura toujours besoin de voir les patients ou les participants en face à face pour des examens cliniques, pour des mesures ou des prélèvements. Et on va compléter un suivi, par exemple, avec un suivi en ligne quand on ne verra pas les patients en face à face. Donc ça sera vraiment complémentaire. Et pour ce qui est de la gestion de ces grandes quantités de données, de ce big data, où est-ce qu'on en est justement des perspectives d'évolution de certaines intelligences artificielles qui vont permettre de traiter toutes ces données-là ? Sur quel seuil on se trouve ? Dans le champ de l'épidémiologie, finalement, on a encore très peu de recul sur l'intégration des méthodes d'intelligence artificielle appliquées aux données de épidémiologiques. Mais il y a des travaux qui permettent aujourd'hui, sur des études qu'on appelle en vie réelle, quand on suit les patients ou des participants dans leur vraie vie, des méthodes d'intelligence artificielle permettent d'identifier des profils de mode de vie ou de facteurs psychologiques ou d'état de santé qu'on va pouvoir ensuite corréler à leur évolution dans le temps. On va pouvoir identifier des personnes ou des groupes de personnes qui ont une certaine trajectoire dans leur état de santé. Et ça, en termes de prévention, c'est très utile. Le deuxième point où l'intelligence artificielle peut être utile, c'est pour faire de la prédiction. L'épidémiologie, on a toujours cherché à faire des modèles de prédiction pour prédire le risque de développer une pathologie chronique, par exemple, dans 5 ou 10 ans. Et avec la masse d'informations qu'on collecte aujourd'hui, ces méthodes sont très appropriées pour identifier ce type de modèle. Arnaud Fontanet, c'est une renaissance, le big data pour l'épidémiologie, c'est une nouvelle jeunesse. Alors ce sont certainement de nouvelles opportunités. Se rajouteront aux données qui sont collectées dans cette cohorte 4N, également les données du génome, hein, qui maintenant on peut séquencer le génome à des coûts abordables et dans l'ensemble de ces grandes cohortes, on rajoute la connaissance du génome des individus. Mais ça fait évidemment encore beaucoup de ces fameuses big data, mégadonnées. Ce qui est très important et à souligner, c'est oui, on va avoir une nouvelle source de richesse de données inestimable. Mais il faut bien garder en tête que ce qui primera toujours, c'est la qualité des données qui vont être recueillies et la qualité du suivi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la quantité va remplacer la qualité, que si on croise toutes les données dont on dispose sur les individus dans leur vie quotidienne, parce qu'il y a un identifiant commun, on va pouvoir exploiter. Ce sont, comme l'est cette cohorte E4N et comme sont les autres cohortes dont on parlait avant, le suivi très régulier d'individus très bien caractérisés avec des mesures précises qui permettra d'extraire finalement une information qui pourrait être utile. Et je mets un petit peu en garde contre les modèles dont on entend parler parfois de dire en regardant tout ce qui circule sur réseaux sociaux, objets connectés, machin et tout, on met tout ça ensemble et on va y arriver, ça j'y crois très peu. Ou simplement avec les données de l'assurance maladie, de dire que vous avez là une base inépuisable de données statistiques qui peuvent permettre un travail épidémiologique extrêmement pointu, extrêmement fin, ou c'est un peu rêvé, un peu idéalisé ? Alors les bases de l'assurance maladie sont évidemment très intéressantes, elles vont vous renseigner beaucoup sur les médicaments qui ont été pris, on peut de là partir sur des diagnostics très vraisemblables, les sujets sont suivis sur le long terme s'ils restent au même endroit, mais quand quelqu'un disparaît de la base ou quand quelqu'un rentre dans la base, il faut savoir pourquoi. Hein, c'est vraiment pour bien comprendre et caractériser la population à laquelle on a affaire. Si quelqu'un disparaît de la base, eh bien il faut savoir si ce que c'est parce que cette personne est partie à l'étranger, est-ce qu'elle est décédée, est-ce que etc. Tous ces éléments-là sont clés pour une interprétation fiable des données et demandent donc de rester quand même dans un cadre méthodologique important que les épidémiologistes ont vraiment créé avec ces notions de cohorte. Puis si vous voulez en savoir plus sur le futur de l'épidémiologie à l'ère des big data, rendez-vous le 29 mai au Collège de France. Je crois qu'il y a une conférence qui est donnée. Je me demande si ce n'est pas le 24 mai. Le 24 mai. Vendredi 24 mai, de mémoire, on va vérifier. On va vous mettre ça en tout cas sur le fil Twitter de l'émission. Je pense que vos informations sont plus fiables que les miennes. Merci beaucoup Arnaud Fontanet. d'être venu nous parler de l'épidémiologie et de son histoire. Et puis je vous alerte également, c'est beaucoup plus proche que le 24 mai, c'est dans 15 jours, le mardi 19 février, le prochain forum, l'année vue par les savoirs, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le prochain forum France Culture autour de la question du nouvel âge de la politique à l'ère, là aussi, du big data, de l'informatique et notamment des algorithmes. Ce sera le sujet que nous traiterons dans ce forum. L'accès est gratuit et il faut en revanche s'inscrire sur le site maisondelaradio.fr ou franceculture.fr. On vous attend très nombreux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lausanne, Eve Etienne, Neuilly Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Baptiste Etchepard-Borde à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain ce sera un vendredi fiction, nous nous demanderons où sont passés les Norman Spinrad, les William Gibson, les Philip K. Dick d'hier, et si la science-fiction en 2019 est encore politique. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.